Voici, en 15 minutes environ, l'intégrale de la nouvelle intitulée « Deux balles, une tragédie », écrite en 2016 par Emma Brenza. Cette lycéenne a obtenu avec ce récit le premier prix de la nouvelle lors des 8e journées du livre à Redescent le 1er mai 2016. Enregistrement de Jean-Paul Alexis, mai 2016. Les fichiers audio correspondent aux différentes pauses du récit.